7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bande à la familia, il est bientôt 7h, heureux de vous retrouver, c'est Francky dans la radio. On espère que vous avez passé une agréable nuit. Ce matin, ça caille un petit peu hein, au lever du jour. Normalement, le soleil devrait faire son apparition. Ça fait du bien, un petit peu de soleil, avec des températures moins 2 degrés au réveil. On ne dépassera pas les 5 degrés. Mais le soleil et puis les nuages seront présents aujourd'hui. Pas de pluie au programme, ça c'est la bonne nouvelle. Coucou à Steph qui est connecté déjà du côté d'Orléans. Salut Steph, belle journée à toi, belle journée Francky. Merci d'être là avec avant de tout là qui arrive et puis le meilleur des souvenirs avec Florent Pagny et n'importe quoi sur la radio couleur. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Paciencia, porque ella me lo negó. Según mi tío, mucho me ayudó. Eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con un par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. Obsession, ça fait du bien de retrouver un peu de soleil le matin comme ça, 7h04, hein, déjà levé, bah ouais, merci d'être là la famille. Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Il est déjà levé aussi, à 7h04, c'est Stéphane qui est avec nos téléphones, bonjour Stéphane. Bonjour monsieur Francky. Comment il va bien? Ça va bien et toi, tranquille? Ah vache, tu travailles de bonne heure toi. Ah bah je suis déjà au boulot là. Ah déjà au boulot, oui, bah ouais, après il y a des gens qui travaillent de très bonne heure encore hein. Ah bah oui. Il y en a qui sont au boulot depuis 4h, 5h. Ouais. Je suis déjà devant un écran là, je suis déjà en train de faire une commande. Ah bah voilà, bah fais-nous une commande, je pense qu'on pourrait commander la radio. Il y a quoi chez toi pour la radio qui serait intéressant? Je sais pas, une clim, de la lumière. Ah bah ouais, une clim, oh là ouais, bah une belle clim alors, ouais. C'est vrai que l'été il fait chaud aussi hein. Quoi? Été, il fait très chaud dans les studios. Ah bah toi, c'est que la clim fonctionne bien alors. Voilà, non, on est bien, ça va. Heureux d'être là, bien dormi toi, ça va? Ouais, bien dormi, peu dormi, mais bien dormi. Ouais, moi aussi j'ai peu dormi parce que bah hier on a entendu Monsieur Castex qui a annoncé, bon après plein de généralités pour tout le monde, mais surtout la réouverture pour les discothèques, tant attendu. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors moi, ça me fait plaisir parce que j'étais hier, il y a des journalistes qui m'ont appelé parce que je suis impliqué depuis quand même 2 ans, hein. Il y a pas mal de... j'ai vu ton article hier sur la REP. Ouais, et puis il y a France Bleu, tout ça, des radios qui m'ont appelé. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est que ce matin, bah, je pars de chez moi et puis j'écoute un peu toutes les radios, puis je tombe sur France Bleu, puis je tombe sur moi. Voilà. Ah bah, tu vois. Comme quoi, bah, ça fait plaisir en tous les cas. Ouais, c'est clair, je suis content pour toi, c'est cool. Ouais, bah, tu vois, j'arrive même pas à réaliser là, je suis un peu encore sous le. Ah ouais, encore un, ouais. Ça ira mieux le quand 16. Ça sera vraiment ouvert. Voilà, donc les discothèques ouvrent à partir du 16. Alors le 16. Ouais, le 16, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, pour nous c'est en semaine, donc ça sera pas le 16, mais ça sera le 18, nous, le vendredi. Voilà. Oh, bah. On sera là. Encore deux semaines à attendre, on va dire. Et ben, on a le temps de préparer, de nettoyer tout pour vous accueillir les bras ouverts, en tous les cas. Ah, bah, ça sera nickel. Bon, tu finis à quelle heure? Ah, je finis à 17h30, moi, le vendredi, hein, ça change rien. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, belle journée à toi, alors. Ouais, bah, toi aussi, bon courage. Ah, bah, ça va aller, hein, avec du sucre. Et à bientôt, pour un bon mojito. Voilà, un bon mojito, sans alcool, je vous rappelle. La fête est plus folle. On essaiera de venir s'il pleut pas. S'il pleut pas, voilà. Ok. Salut Stéphane, bonne journée. Salut, bon week-end à toi, ciao. 02 38 43 48 00, si vous voulez nous appeler, eh bien, allez-y, lâchez-vous. 7h07. Mi mata. Es la que je parle au fond. je pense que la sucre est censurée. Eu tô bem. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. Qu'on fait le ménage, samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem. Tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá. C'est des bons souvenirs hein, qu'on va pouvoir retrouver en club. Ça y est, la réouverture le 16 février. Après une lutte pendant 2 ans, bravo à toutes les discothèques de France qui vont réouvrir le 16 février. Puis tous ceux aussi qui suivent derrière. Allez, belle journée, 7h10. C'est la tournée en ce moment pour cette comédie musicale. Je vais t'aimer. Sardou. De l'autorité Richard. La femme des années 80, moins colombine qu'un lequin. Sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire au lard. La cinquième et Central Park, le ciel crachait des bouffées de Havane. j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. Quand j'entends, et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. Quand j'entends, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. Quand j'entends, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. Quand j'entends, je vole, ça fait du bien de vous retrouver ce matin, 7h14 minutes. Coucou à Doudou qui est connecté du côté d'Olivier. Ça caille un petit peu pour vous ce matin, normalement le soleil devrait être là. Alex El Filo. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Metando con los tigueres a cuarta. Tengo dos y tengo la vaca. Levanta la mano, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ, súbame la mano, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas.

souvenir, hein, l'été 86 avec Madonna, La Isla Bonita. Belle journée, bon réveil, bon petit déj à tous. La météo. La météo pour aujourd'hui, comme dirait Vindelia, le ciel est chargé et nuageux ce matin, avec quelques petites éclaircies. Au lever du jour, moins 2 degrés, on ne dépassera pas les 5 degrés du côté de Main-sur-Loire, Saint-Jean-de-Bray, Orléans, Chingy ou Saint-Y. Du son qui arrive avec un peu de sport le matin, au réveil, comme ça, c'est vrai que ça fait du bien. Eric Prydz et Call On Me, le son des années 2000. Planet, tout, tout, tout, tout, tout. of my bullets, the book of my bullets, while the little bullets, the book of my bullets, the book of my bullets, the book of my bullets, while the little bullets, the book of my bullets, it's gonna send me, it's gonna send me. J'adore Greg, à 7h36 minutes, ça y est, le vaisseau au football. Reprennent ce soir à domicile, hein, donc allez les supporter, hein, bah ouais, ça fait du bien. Ça y est, le foot qui reprend aussi. Une petite vie qui commence à voir le bout de son nez. Dis donc, qui arrive à Gibbs et Maluma. Belle journée et bon réveil. Hey, oh, là, c'est dans les têtes, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit. Je arancia, baby, che eleganza. Perfume Chanel Dior, baby, che fragancia. Sta rica, delicious, you look scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Sigue ese movimiento, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Se rumore que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Bon courage à celui qui te mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Hombre María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Pas mal, moi. Ouais. Ça va, Stéphanie, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Francky. Ah ouais, je suis mal poli le matin, hein, t'as vu ça? Pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai pas dit bonjour. Cherche les souris, enfin les souris, la souris. Fais gaffe à ce que tu dis, ça pourrait être interprété. Non, mais la bizarre. Souris de l'ordi, là, je cherchais pour appuyer sur un bouton et je trouvais pas. Bon, et voilà. Du coup, il y a toujours pas de cadeau alors? Pourquoi? Bah, je sais pas, parce qu'il y a toujours la déco de Noël, alors moi j'attends les cadeaux, on sait jamais, j'adore. Quoi. On est le quoi? On est le 21 janvier. Dans 3 jours, c'est Noël. Non, mais j'attends, parce que je me dis peut-être ils ont pas eu la distribution, alors ils laissent la déco dans l'espoir, je sais pas. Ou alors ils se disent, il y a peut-être un mec qui va l'enlever. Peut-être. Ah, moi, je voulais l'enlever, hein. Après, j'ai pas osé, parce que si j'enlève, on va se faire engueuler, ça se trouve, hein. On va laisser, peut-être que les cadeaux, ils vont arriver, ouais, on sait jamais. Peut-être pour l'année prochaine, ils gardent, hein. Écoute. Ça se trouve, hein. C'est ton jamais. Il y aura pas besoin de déballer la déco. Et c'est bien, on est toujours un peu dans l'ambiance. Ouais, hein. C'est comme disait le coach du hockey du sur glace. Des renards. Il m'a dit, belle déco de Noël. Ça va, Stéphanie? Bah, écoute, ça va, on va terminer la semaine de façon sympathique. Salut, bonjour, Katia. Voilà. Bah, moi aussi, j'ai fait des passage, gros bisous. Au passage, Toujours. Voilà. Et puis, oui, je disais, on va finir la semaine de façon sympathique parce qu'aujourd'hui, c'est une belle journée. Ah. Donc, on va développer un petit peu le sujet. C'est quoi? C'est la journée internationale des câlins. Ah, c'est aujourd'hui? Egg Day, c'est aujourd'hui. Et c'est super parce que tu remarqueras, on a commencé la semaine, en fait, avec lundi. C'était le Blues Monday. Ouais. Donc, c'est le jour le plus... où les gens sont le plus déprimés, quoi. Voilà, c'est cette période juste après Noël et juste avant, entre guillemets, la Saint-Valentin, où c'est une période où les gens sont hyper déprimés. Donc cette petite journée, elle arrive à point nommé. Donc à point nommé. Oh là, attends, dictionnaire. Non, ça va là, c'était pas compliqué. Maître Capello à point non, nommé. Non, c'était pas compliqué. Ouais. Et donc c'est voilà, cette journée, elle existe en fait depuis le 29 mars 1986 et c'est à l'initiative d'un révérend qui s'appelait Kevin Zabornet. C'est un pote ça. Ouais, qui lui bah il a eu l'idée voilà de cette journée des câlins parce qu'il avait vraiment constaté justement tout ce que je t'expliquais, la grosse déprime de début d'année etc. De début de boisson. De début d'année. déprimé. Non. Ça peut servir d'année. Pour une grosse déprime. En même temps, quand t'es en grosse déprime, des fois, bon, il y a corrélation. Ouais, on peut se boire la gueule, hein, avec modérité, je vous rappelle. Modérité. Des fois, j'oublie les mots, quoi. Ouais, et du coup, tranquille. Donc, cette journée, voilà, elle existe. En fait, l'idée, c'est de libérer son affectivité sans attendre de recevoir forcément des marques d'amour. Donc, il y a eu un mouvement qui a été lancé en Australie à la suite de cette journée. C'était les gars qui se promenaient avec leur câlin, avec leur pancarte, avec marqué câlin gratuit. Ouais, qui va gratos, quoi. Donc, en ce moment, comment te dire qu'avec la distance sociale, n'est-ce pas? C'est compliqué, là. Voilà, mais il n'empêche qu'avec ses proches, etc., même ses animaux, pourquoi pas, on peut, évidemment, le câlin, le petit câlin. Doucement, avec les animaux. Celui qu'on prend dans ses bras, le câlin. Celui-là, il est plutôt pas mal. Et du coup, pourquoi pas? Et non, pas toutes les poupoufes non plus. Non, c'est chiant. Oui, je sais que c'est chiant. Et du coup, ben voilà, je pense que on va développer un petit peu les bienfaits de ce câlin, parce que figure-toi que ça a vraiment une action sur notre corps. Ouais. Donc je vais développer un petit peu plus tard. C'est bien ça. On en apprend des choses avec toi le matin. Moi, j'aime bien, vous savez bien. Eh bon réveil, ton papa va bien? Bah écoute, ça va. Oui, hier il m'a envoyé la jolie photo du journal. Ah ouais, j'ai eu. Hein. Tout le monde m'a envoyé d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui me l'ont envoyé, la photo de la reine. Ouais. On en parlera après si tu veux bien. Ah, Michael, ça c'est bien, je crois. Ouais, ça va, c'est ça, bien. Le matin, c'est du lourd. Ouais, hein. Ça va, c'est ma cam. Michael Jackson. Ça, quand il est mort, tout le monde disait Oh my God. Ouais, il y en a plein qui disaient My God, mais dans l'autre sens, le God. Like God. Le God, c'est Jésus, c'est Dieu. Hein. Bah, oui, ouais. je sais, mais avec toi, je fais toujours attention à la double interprétation, n'est-ce Allez. Pas donc, Petit café, juste après Michael. On te retrouve, Stéphanie. Ciao. Yeah. fais des gestes, tu l'album qui tue. Par contre, j'ai mis les paroles en français, t'as vu ou pas? Ouais, ouais. On va se marrer un peu là. Billy Jean n'est pas mon amoureux, c'est juste une fille qui prétend que je suis la seule. Mais le gamin n'est pas mon fils. Ah ouais, et quand on traduit les paroles, c'est plutôt rigolo. Ah. Ouais. C'est marrant. Je regarde. Ouais, sympa, hein. Ah. Ouais, voilà, la loi était de son côté, mais qui peut supporter quand elle est demandée? Bon, on comprend rien en fait, c'est des paroles. Bah, c'est de la traduction littérale, donc le problème c'est ça, c'est qu'on faut réinterpréter parce que c'est un peu un petit peu chelou, comme dirait l'autre. C'est un peu chelou quand tu regardes les paroles. Hein. Allez voir sur Google, vous tapez traduction Billie française Jean. Billie Jean. Par contre, il y en a un qui a touché l'ordinateur, celui-là là, sur le bureau là, le Google là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y en a un qui a tout bidouillé là-dedans encore. On va appeler la technique. Ouais. La technique, c'est Michel. Et le light jockey, c'est Momo. C'est Momo au platine ce matin. Belle journée, bon réveil, on est là. C'est bien, on révise nos classiques, mine de rien. Ayam pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. Hein. C'est ça. On écoutera un petit Ayam pour se fendre la gueule, un peu. Ou pas, parce que je sais pas si t'as vu, il y a quand même. Qu'est-ce qu'il a eu, Ayam? Non, Akash Akhenaton, il a fait une tribune libre. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la lire. Et voilà quoi. Donc c'est intéressant à découvrir et à les lire en tout cas. Bah on ira lire ça, mais moi j'aime bien. Histoire de comprendre que tout le monde a le droit à sa propre décision et le respect de chacun est important. Ah oui, c'est super important. Hein. C'est super important. Bon, je sais pas qu'est-ce qui a bidouillé le Google là ici là, mais il y a plus rien qui marche. Mais c'est comme ça. C'est la radio. C'est le matin. On découvre des choses. On y va, ma Steph? Bah écoute, oui, on peut y aller. Donc, on va commencer, tiens, avec les câlins qui réduisent le stress. Et pour preuve, quand on ressent le besoin d'être enlacé alors qu'on vit des moments difficiles de stress, de tension, eh bien voilà, le câlin, il possède cette vertu, c'est de calmer le système cardiovasculaire. Il contribue réellement à réduire la pression artérielle et le rythme cardiaque. Mmh. Et donc... de fait à relâcher les tensions. Donc voilà. D'accord. Un des premiers effets physiques de ces câlins qui sont vraiment magiques. C'est du magique, ouais. C'est de la magie. Non, c'est de la santé et du coup c'est vraiment c'est le meilleur ami aussi du système immunitaire. Voilà, parce que justement quand tu luttes contre ça t'aide à lutter contre la déprime et du fait ton système immunitaire il ne s'en porte que mieux. Sinon, on peut manger du chocolat aussi pour la déprime. Apparemment ça marche. Oui, mais ça apporte du magnésium. Donc le magnésium aussi fait partie justement des minéraux qui aident aussi à lutter contre la déprime hivernale par exemple. Donc tu peux cumuler pour vraiment renforcer ton système immunitaire, par exemple, tu peux prendre du magnésium, du zinc et de la vitamine C fortement dosée et un petit peu de vitamine D et là normalement tu boostes bien. Alors tu rajoutes les câlins par-dessus, je te dis pas comment. Un turbo diesel le matin. Hein. Le gingembre aussi. Ah, gingembre ça fout là, tac le gourdin. Non mais ça n'est pas que le gourdin, le gingembre renforce aussi beaucoup le système immunitaire. C'est une très bonne racine et très efficace aussi. Bon, il y a une pub là qui tourne avec les gâteaux au gingembre là avec deux gamins qui se parlent et abricots au gingembre, je sais plus quoi, mais moi ça me fait marrer, je regarde ça. Ah oui. Ouais, c'est pour ça. J'ai pas vu. Moi, je regarde de temps en temps la télé quoi. Moi aussi, mais je fais pas toujours attention aux pubs. Ouais, c'est celle-là qui m'a interpellé quoi. D'accord. Bah écoute, tu vois, le gingembre, ça marche pas que dans la culotte, ça marche aussi pour tout le système immunitaire et c'est très efficace. Si vous voulez arriver avec les culottes de Stéphanie Lier. Pas du tout, non. du coup, je vous propose un petit titre tout en douceur pour un petit peu peut-être. Comment il s'appelle? C'est la tendresse. De Bourville. C'est Bourville. Alors, ouais. Voilà. Ne changez pas de chaîne. Juste histoire de vous plonger dans l'ambiance du câlin et puis voilà, la tendresse c'est important et Bourville le chante de façon tellement merveilleuse que voilà. Et on écoute la tendresse. Ne changez pas de chaîne. On est bien sur RTL Arc-en-Ciel. Voici Bourville, la tendresse. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment, le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps me paraît long. Long, long, long, long, le temps me paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc le voir sans cesse au fond de nos cœurs. Des torrents de tendresse. Ah, la tendresse. C'est beau ça, la tendresse. Elle est magnifique cette chanson. Comme quoi, on peut passer de Ayam à Bourville. Ah bah nous, on passe de tout à la tendresse aussi. Comment il s'appelait Belle Guichard. Ouais. C'est pas la même chose. J'ai une nette préférence pour Bourville. Elle quand est même sympa, Bourville. Hein. Ouais, elle est très jolie. Moi, j'aime bien chanson. Dans la Grande Vadrouille. Bon, aussi. C'est pas la même chose, mais il a beaucoup de très jolies chansons. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a aussi vrai. La chanson de l'histoire de l'oranger sur le sol irlandais, aussi la balade irlandaise de la version de Bourville est très très jolie aussi. Il y en a des belles chansons avec toi le matin comme ça. Et en plus, intergénérationnel. Voilà. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi à Michel de la radio qui nous a quitté malheureusement. Tu sais parce que lui il passait beaucoup des musiques comme ça. Oui, des musiques anciennes. Ouais, il adorait ça. Lui, mais moi j'adore même l'entre-deux-guerres, etc. Il y a des très jolie chose. Après c'est voilà, c'est ouais. La musique, c'est j'aime plein de sons, je suis pas sectaire, j'accepte, j'aime tout, découvrir. Je suis en train de découvrir plein de choses aussi moi. La tendresse, non pas celle-là. Non mais j'aime bien moi. Bah je vais vous parler allez encore un petit peu sur le système par rapport au système immunitaire. En fait c'est donc un Américain, Sheldon Cohen, de l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh aux États-Unis. C'est à moi ça. Oui, il a fait une étude lui en 2014 qui voilà, il s'est intéressé justement au lien entre les câlins et le virus de la grippe. Donc plutôt intéressant. Et le scientifique et toute son équipe, en fait, ils ont réussi à prouver que les personnes qui étaient soumises à des gestes de tendresse fréquemment voyaient la gravité de leurs symptômes diminuer. Ah bien. Donc vraiment. On peut faire pareil avec le Covid, ça serait bien. Après voilà, on n'est pas tous égaux hein, du système immunitaire, mais le renforcer avec les câlins, c'est plutôt pas mal, quoi, je trouve. Moi, ouais, c'est sympa. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, c'est moi je vous. Voilà, soignez-vous, en gros. Aujourd'hui, soignez-vous bien. À coup de câlin. À coup de câlin, voilà. Voilà, pas de gourdin, j'ai de câlin. Hein. Non, mais les câlins, c'est de l'affect. C'est avec ses parents, avec ses enfants, avec ses amis. Juste simplement prendre les gens dans ses bras et voilà, démontrer son affection. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour la planète. Vous allez fabriquer de l'ocytocine. Voilà, De l'ocytocine, c'est une hormone de bonne santé et de bonheur aussi, qui fait du bien et qui soigne. Faut former de l'ocytocine ce matin. Ocytocine. Voilà. T'apprends des mots tous les vendredis. Moi, j'adore. J'ai un dictionnaire à côté de moi. J'ai le petit Robert. Robert. Oh le blaze. Et s'il y a un Robert qui nous appelle, qui nous écoute, qui nous appelle. Bob l'éclair. 02 38 43 48 00, je veux un Robert qui nous appelle. On va se marrer un peu. Non, ça te dit moi pas j'en ai deux Robert, mais il téléphone pas. Ah bah oui, Dommage. Sont... 7h56 aujourd'hui en direct à la radio. On sera un petit horoscope dans quelques minutes si tu veux bien. Non, volontiers. Tu vas voir ça dans Google Express là. Oui, oui, volontiers. Si ça marche, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de cliquer, ça me dit accepter, acceptez pas. Il y en a un qui a bidouillé à la radio. Je sens qu'il va se engueuler. Je sais pas qui. On a les caméras, hein. on va regarder ça. Sinon, je vais faire à l'aveugle façon Madame Irma. Non, avec la boule. Ou les boules. Ça dépend lesquelles. Oh. Non, on va aller. Ça y est, je suis dans l'ambiance. Allez, on s'écoute un bon souffle. Et ça, je suis sûr que tu vas adorer 96. Ça te parle ou pas un peu? Ah oui! Ah, Donny Hines. Elle a fait qu'un titre, hein. C'est celui-là. Ouais, mais il est bien. Ça va, hein. Il s'écoute toujours. C'est récurrent, ça, hein, dans les boîtes. Hein. On peut l'écouter. Bah, justement, le 16, on va l'écouter. Ah, allez. T'es content, hein? Ah, ouais, elle est contente. Tu vois, c'est Noël. Allez, c'est Noël. Donny Hines, Hello Light. To take it slow, count one to three and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide, but that's the part of you that I want inside. It's alright, I know where to start. Let me guide you through the hardest part. It's alright, touch me in the dark. Bring me closer to the hardest part. Just run out of passion is the game. What I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide, but that's the ce matin. Hein. Ah ouais, sur mon siège à roulettes, je suis au top là. Fais gaffe, pas crever un pneu. Hein. Non, là, je suis trop bien là. Alors, on est avec vous, on est en direct, il est 8h, hein, avec Donny Hines, c'est à 96-97, ça, it's alright. Des petites choses avec toi avant d'attaquer l'horoscope, si tu veux. Allez, encore un petit bienfait, encore ouais, des câlins. Du bienfait avec les câlins, on a besoin de câlins en ce moment, on a besoin de plein de choses. Tu sais quoi, les câlins, un truc super, ça allonge l'espérance de vie. Ah, j'ai eu peur, je crois que ça allonge autre chose. Ouais, bah, ça peut, à l'occasion. Ça dépend. C'est un effet secondaire. Ça dépasse. C'est un effet secondaire. Ouais. Mais en tout cas, sur l'espérance de vie, c'est par rapport justement, bah, comme ça réduit les problèmes de tension artérielle et de dépression, eh bien, ça éloigne les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Donc, le câlin contribue vraiment à l'espérance de vie en stimulant notre organisme et notre cerveau, et il prolonge notre vie. Voilà, donc si vous êtes cinglé, c'est bon pour vous. Aussi. Faites des câlins. Ouais, même Covid, hein. Attention, ça va être bientôt terminé tout ça, je pense. Hein. Bah écoute. Moi, je le sens bien. Bah je sais pas, hein, 430 000 contaminations ouais, encore hier. Les mecs qui se mettaient les trucs dans le un lit, petit ça. Nouveau virus qui arrive, qui est ouais. pas détectable. Ouais, voilà, bon, bah voilà. Hein, on est à jour. On a une grippe, quoi. Ouais. On a une grippe et puis on met des masques. On et met puis, une grippe, voilà, on prend un Doliprane et ça ira bien. Mais puis si on se fait plein de câlins, normalement notre immunité, elle booste, bah, donc tout va bien. On va faire des câlins tous ensemble en même temps, comme ça au moins on serait tous tranquilles. Hein. Ça serait géré une bonne fois pour toutes, j'avoue. Voilà, au moins ça serait réglé l'histoire. Votez c'est le ça. Maire, c'est moi le maire, Franck le maire. Encore un petit truc. Allez, un petit truc, c'est l'horoscope. Impec. Les câlins. Ah, les câlins, moi j'adore les câlins. Eh bien, ils réduisent la douleur. Les câlins ont une influence sur le corps. Ouais. Ainsi que sur donc le système neurologique, on en parlait justement sur l'espérance de vie, donc toujours sous les bienfaits justement de l'ocytocine, et bien voilà, ça a la vertu en fait de décontracter les muscles, et du coup la mécanique elle est là, c'est quand tu fabriques cette ocytocine, et bien ça décontracte tes muscles et ça ralentit aussi le flux de la circulation sanguine. Donc, ce qui permet, dans certains cas, évidemment, de réduire la douleur. Ah, voilà. Vous en apprenez des choses ce matin, vous qui êtes sur la tangentielle. Alors, à savoir qu'il y a moins de monde hein, sur la tangentielle. Il y a moins 15% de véhicules en ce moment. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a le télétravail. Oui, bah oui. Donc il y a beaucoup moins de monde. Ça fait du bien. Bah j'espère qu'ils nous écoutent à la maison avec le petit café. Oh, bah, y a Katia, elle nous écoute avec l'ordinateur allumé là, hein, c'est sûr, hein, le double 300 watts. Hein, ouais, je sais, je reçois des petits messages. Ah, en privé, ça s'écrit, ça dit rien. L'horoscope, est-ce que tu es prête ou pas ? Je regarde si l'écran il est prêt. Normalement, ça fait. L'écran il est prêt. Moi, je vois le bélier, je vois amour. Bon bah donc, ouais, on peut y aller. On fait les amours. Allez, c'est parti. L'horoscope. Jingle, c'est maintenant. Bah il est jingle aussi des fois. Mais oui, les amours. Du bélier, donc c'est ça. Voilà, parce qu'on a les moyens d'avoir des jingles quand même. Alors, eh bien, ami bélier, le succès est à votre portée. En effet, qui pourra résister à tant de magnétisme ? Vous êtes irrésistible. Ah, je suis pas sûr que ça marche pour tous les béliers quand même. Il y en a deux, trois là. À voir. J'ai des doutes. Les taureaux, eh bien, en amour, vous avez probablement commis quelques impairs ces derniers temps et votre partenaire vous boude un tout petit peu. Cela ne durera pas. Alors prenez patience et surtout, eh bien, présentez vos excuses, ami taureau. Voilà. Pour les célibataires, eh bien, vous allez devoir changer d'attitude et puis, si vous voulez séduire la personne qui vous plaît, eh bien, voilà, faut se mettre au diapason et puis faut un petit peu mettre de l'eau dans son pinard. Dans le pinard. Je vous rappelle que le pinard, c'est interdit le matin. Allez, pour picoler. On passe au. Oh, Gémeaux. Aux Gémeaux, en famille, eh bien tout ira bien. Vous transmettez votre optimisme et votre vitalité à vos proches. Quelques malentendus devraient disparaître rapidement. Célibataire, votre envie de séduire vous rend un petit peu envahissant. Vous allez devoir trouver un juste équilibre, amis Gémeaux. Voilà les Gémeaux pour ce matin. Les cancers, bon, raconte pas trop de conneries. Hein. Les bon. Célibataires. Tu trafiques un peu. Hein. Pas du tout. Les célibataires, vous ne serez pas facile à séduire. Vous ne consentirez à craquer que devant un chevalier servant ou une dame proche de la perfection. Vous rejetez des relations ne pouvant déboucher sur quelque chose de constructif. En couple, eh bien, vous privilégiez la tendresse voilà. et le dialogue plutôt que de rêver de passion débridée. Donc, tu vois, la journée parfaite pour les ben câlins, voilà. les cancers. C'est aujourd'hui pour les cancers, les lions. Ah, ça, c'est un vieux lion, ça. C'est un vieux lion, ouais, je suis d'accord. Il a un pied dans la... On va lui mettre un coup de fusil aussi. Là, sûrement pas, non. Non, donc les lions, eh bien vous fuirez les affres de la passion et de la jalousie. Vous avez besoin d'une relation stable et équilibrée, mais aujourd'hui vous éprouvez un sentiment bien inconfortable d'insécurité sentimentale. Célibataire, les affaires de cœur promettent d'être passionnantes. C'est pas mal, ça va, c'est pas mal. Les vierges. Dépêchez-vous de discuter avec votre partenaire de certains problèmes épineux qu'il faut absolument régler, ami vierge. Voilà, on y va, on va au front, on affronte et puis ça se gère. Voilà, il faut apprendre à gérer sa vie quand même un petit peu. Hein, c'était quoi les vierges ? C'était les vierges. Les balances. Eh bien, vous ne savez pas dissimuler vos sentiments, ami balance. Vous avez juste un petit peu de mal à les exprimer librement. Heureusement, votre partenaire vous connaît bien. Heureusement, votre partenaire vous connaît bien et il est attentif. Pas facile, hein, cette phrase à dire. Non, c'est surtout très mal écrit. Il y a une grosse faute de, donc, je réinterprète, n'est-ce pas? Ah, ouais. Heureusement, votre partenaire, donc, vous connaît bien et du coup, eh bien, il est plus attentif. Il fait attention. Oui. Il sait reconnaître vos réactions et en tirer les conséquences. Donc, votre vie de couple, eh ben, normalement, sera un petit peu agitée, mais plutôt agréable. Ah, bah, ça fait du bien quand la vie de couple est agréable. Les scorpions! Célibataire, vous êtes prêt pour un coup de foudre qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Si vous ne vous fermez pas à l'amour en couple, eh bien vous aurez envie de pimenter votre relation. Ah ouais, c'est important ça, la relation, de pimenter. C'est bon, un peu de piment, à tes souhaits. On en était avec les... J'ai un chat. Les sagittaires, on en est aux sagittaires. Sagittaires, on va y arriver. Les sagittaires, le climat astral pourrait vous permettre d'envisager des changements dans le domaine affectif. En couple, vous consacrez l'essentiel de votre temps à l'amour et à l'être aimé. Vous traversez une petite crise de jalousie qui n'a pas lieu d'être. Et puis ben voilà, pour les célibataires, ne doutez pas de votre charme, amis sagittaires. Voilà, vous êtes des beaux gosses, les sagittaires. Les capricornes. Les capricornes, eh bien, pétulants et malicieux, vous pourrez aspirer à un bonheur sans nuages. En effet, si votre vie de couple a essuyé quelques revers ces derniers jours, la situation devrait se normaliser. Votre partenaire sera d'humeur plus conciliante à la communication. Et elle sera bien meilleure. Et pour les célibataires, eh bien, la journée s'annonce forte en séduction pour les capricornes. Pourquoi pas, à la machine à café, hein? Les Verseaux! Ou en télétravail via l'ordinateur. Ouais, via la webcam. La webcam. les Verseaux, eh bien, votre vie de couple sera envoûtante. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire et vous partagerez des moments idylliques. Les célibataires, ne soyez pas timides. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments. C'est important, ça. Et les poiscailles, pour terminer. Les petits poissons, eh bien, si vous vivez en couple, mettez votre fierté de côté et faites quelques concessions. Cela débloquera la situation et vous pourrez aller de l'avant. Les problèmes vous paraîtront moindres si vos proches adoptent la même attitude. Si vous êtes un cœur à prendre, eh bien, ne laissez pas passer l'occasion de faire une rencontre à cause de votre attitude un petit peu trop rigide. Donc, on se décontracte, les poissons. Tranquille. Sous l'eau, on se décontracte. 8h07 en direct sur la radio 96.2 FM. Stéphanie B avec plein de choses ce matin. L'amour à la plage, tu te rappelles de ça? Ah ouais, vas-y, Niagara. C'est un petit remix qu'on a concocté comme ça. Vous avez aimé. Niagara, tiens, tu sais qui a tourné beaucoup avec Niagara et sortait du coup avec Muriel? C'est Yarol Poupeau. Si ça te parle, Yarol Poupeau, qui était le guitariste de Johnny, ouais, et qui aussi est un membre fondateur du groupe FFF. Ah, FFF, d'accord. Donc voilà, Yarol Poupeau, petite histoire à l'époque avec Niagara, et voilà. Voilà, un truc sexuel. Ouais, il sortait avec Muriel. Ah, avec Mumu, bah oui, c'est voilà, cool. Voilà, c'est ça. Un petit remix à la radio comme ça. Ça s'appelle Alva, le groupe, et c'est l'amour à la plage. Avec les potins. Voilà, avec les popotins. ce petit remix 2000, non? Comment t'as dit, sympatoche? Sympatoche, tu connais pas? Si, si, c'est un peu tout crevé quand même comme ouais, explosion. Ouais, mais c'est sympatoche, je trouve. C'est à l'ancienne, ça. Ah, bah, comme moi. Très, très ancienne, quand même. Ah, ouais, ouais, bah, comme moi, il est ancien, le titre, là. L'amour à la plage, avec Muriel Dac. C'était ça, hein? Exactement. Et ouais, je crois qu'elle était pas DJ à un moment, hein, où elle est passée. Non, c'était pas elle. Je me confonds avec Niagara. C'est Niagara, ça, non? Oui. Eh ben, je crois qu'elle était DJ à un moment. Oui. Ah ouais, bon, bah après, je sais pas ce qu'elle fait. Avant de faire des chansons. Ouais, ou c'est ça, ouais. Ou après, on sait plus. Bon, on va se renseigner, on va l'appeler, là. Oui, oui, bien sûr. J'ai son numéro, je vais l'appeler. Bien sûr. Je vais la réveiller à 8h12. Stéphanie Guy, en direct ce matin avec nous. Bah, merci d'être là. T'as des choses à nous raconter? Bah, là, pas tout à fait, mais je vais me mettre en, je vais vous trouver un truc, là. J'ai de la musique, là. J'ai du trio qui est calé, soit que vous voulez qu'on écoute. Ah oui, du trio. Et bah oui, toujours avec, justement, c'est Serre-moi, toujours en rapport avec cette fabuleuse journée, du câlin, ah. Alors moi, je vous dis un truc juste, c'est que c'est vrai, on est toujours en pleine pandémie et tout, mais si vous voulez vous faire un petit test rigolo, essayez toujours d'aller vous promener avec une pancarte câlin gratuit. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir la tête des gens. Vous allez voir s'il y a des courageux, des téméraires. Non, mais c'est vrai qu'on est, on le sait, on est quand même tous, depuis cette pandémie, ça fait 2 ans, on est tous en manque de contact quand même, voilà, de contact simplement même. Donc c'est, voilà, ça fait du bien et. Après, vous pouvez prendre la pancarte avec une combinaison, vous savez. Ouais, voilà, un truc sous-marin, le masque et tout. Un truc discret, quoi. Vous proposez des câlins, vous vous aspergez de gel antibactérien. De gel douche. Mais vous le mangez par contre, hein. Ce serait pas bon pour votre santé, ça. Et ben justement, c'est la journée du câlin aujourd'hui. Donc ouais, un petit trio, Serre-moi, ça me faisait plaisir. Et ben voilà, on s'écoute sur la Rancelle. Serre-moi, la journée du câlin, la playlist de Stéphanie Bié. C'est pas une pub là. Ah ouais, bah j'ai oublié de. Bah ouais, bah moi je fais tout, moi, je suis pas concentré. Ah voilà, là c'est trio là. Là on est trio. Sur trio avec Serre-moi sur Radio Rancelle. On est fort. Hein. Trop balèze. Embrasse-moi dessus bord. Viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps. Pourrais-je dépunaiser et tes ailes? Embrasser, te mordre en même temps. Enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas. Donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi. Et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelassons-nous. Même en dessous, serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tient. Son charme, papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépunaiser tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelassons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi, serre-moi, serre-moi, serre-moi, faire moins encore. Bah voilà, le câlin, c'est aujourd'hui la journée. La journée internationale du câlin. Donc elle vient des États-Unis évidemment. Après, elle s'est propagée à travers les pays anglo-saxons. En Europe, c'est les Allemands qui ont été les premiers à suivre le pas. Et nous, voilà. Et maintenant, on est complètement sur une journée internationale du câlin. Et c'est important de la célébrer compte tenu de tous les bienfaits que nous prodigue ce câlin. Donc c'est vrai que ça on fait va du pas bien. S'en priver. Ça et c'est un effet physique, hein, vraiment. Ouais, c'est ça qui est important. Mais ça fait du bien de recevoir un câlin. Bien sûr. Ce matin, allez-y, lâchez-vous. Hein, faites des câlins partout. Tout sur la planète, même Orléans, hein. Dans le tram là par exemple. S'il te plaît. Non mais dans le tram, vous pouvez faire des câlins dans le tram, non? Je suis pas sûr. Ouais, bon, franchement. Mais le problème c'est bon, faites super gaffe avec la distance quand même. Ouais, ils sont tellement affolés les gens qu'ils vont flipper quoi, non? Ben écoute, faites des câlins à vos proches déjà, aux gens que vous aimez et qui vous aiment, et ça sera déjà pas mal. Ça vous remplira déjà bien d'ocytocine, de tout ce qui va bien, ça vous mettra comme il faut. Voilà, comme il le faut. 02-38-43-48-00 si vous voulez passer un message câlin ce matin, pourquoi pas. Ah bah pourquoi pas, tiens. Allez, appelez-nous pour un message câlin. 02-38-43-48-00 et en français s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Stéphanie Bié, plein de belle humeur ce matin, hein, le câlin. Ouais, on a des belles choses. Des bonnes vibrations. Ah, voilà. C'est bien. J'adore. Là, on disait trio, ça, Katia me disait, ça me rappelle mes années lycée. C'est vrai que trio, c'est ce côté un petit peu de la, c'est très lycéen, c'est très rébellion, dans le fond. Mais cette chanson-là, sert moi, je trouve qu'elle est plutôt sympathique et légère. Ouais. Et voilà, elle revendique le partage, le câlin. Moi, ça me rappelle mes années radio, sur notre radio, avec trio. J'avais fait un truc sur scène avec eux. C'était Désolé pour hier soir. Oui. Et on l'avait transformé à l'époque. On avait un humeur, ça s'appelait un véhicule américain, là. Désolé pour le humeur, et on avait fait une petite version avec eux, sympa sur scène. Voilà, bon, c'était l'apartheid. C'était les années libres, tu veux dire. Voilà, les radios libres. Comme nous, nous, c'est de la radio libre le matin, 8h18. Si vous êtes en télétravail, bah, belle journée à vous, hein, tranquille. Bon courage. Le week-end qui approche. Hein. Vous mettez pas trop la pression non plus, hein. C'est le vendredi matin, on est cool, quoi. Pas trop de pression. Un dossier par un dossier. Hein. Voilà. Un par un, voilà, exactement. Un par un, restez groupir. S'occuper des urgences. Et après, ça va. Voilà, et après, tranquille, le week-end, avec un petit mojito, sans alcool, bien sûr, la fête est plus folle. Non, mais on peut dire avec alcool, mais il faut dire le mot derrière. Oui, non, faut pas abuser des bonnes choses. Non, un petit mojito, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est ça. Faut pas abuser des bonnes choses. C'est vrai qu'un bon mojito bien fait, là, bien frais, ça passe bien. Bah là, à 2 degrés dehors, ouais, moi je dis, j'adore. Ouais, une vodka, là, sans alcool, hein. La fête est plus folle. Un peu de sport, tiens, ça te dit ou pas, coach? Ouais, vite fait, vas-y. Bah, la semaine dernière, on avait dormi à table. Vas-y, petite dédicace pour Nordine. Salut exactement. Nordine, qui nous écoute des fois le matin aussi, ça fait plaisir. Voici le coach. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat, squat, abdos, jeeps, pompe, barre. Jibs, pompe, bar. Abdo Jibs, pompe, bar. Abdo Jibs, pompe, bar. Eh, c'est pas mal ça. Ah, hein. Je suis essoufflé rien qu'à écouter, ah bah, moi. C'est pas compliqué. La semaine dernière, hein, on était avec Nordi la table la semaine dernière. Hein. Ouais. Tu te rappelles ? Ouais. Et on a fait du sport. En fait, il a dit qu'il fallait rester debout à la base. Hein. Ah oui, c'est vrai, il faudrait qu'on se mette debout. Bon, attends, on verra ça tout à l'heure. J'espère que vous êtes de bonne humeur. On est des petits joueurs, donc. Ouais, non, franchement. On est des branleurs, surtout. C'est ça. Il y a de ça. Il y a de l'idée. Comment elle va ce matin, Stéphanie? Bah écoute, ça va. Je voulais vous parler, tiens, de d'un gars que tu connais bien, qu'on connaît bien tous les deux, c'est Didier Verchère, juste hier. Ah ouais, le bouquin. Le bouquin, mais surtout le photographe, parce que il fait de très jolies photos et franchement, hier, il a publié sur Facebook tout le reportage de la fabrication du bateau Lavoir. Ah ouais, ils ont tout fait là, à Orléans. Là, ils l'ont mis sur le. On l'a vu. Ils l'ont sorti de l'eau. Ils l'ont sorti de l'eau, ils l'ont mis sur le quai. Je crois qu'après, d'ailleurs, il y a l'inexplosible aussi qui va y passer. Il va en profiter. Ah bon? Je crois qu'il va y avoir double entretien. Et du coup, il a republié, en tout cas, toute la fabrication en reportage photo. Donc, voilà. Ah ouais. Si vous avez Facebook, vous allez faire un petit tour du côté de la page de Didier Verchère et vous allez pouvoir découvrir tout ce reportage sur ce très joli bateau. Il faut bien le reconnaître. Ah, j'ai vu des photos, ouais. Les grosses grues, là, pour sortir. C'est énorme. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant, c'est vrai. Et il refaisait quoi, la cale? C'est ça, là? Ils refont la peinture extérieure, en fait. Sous l'eau? Oui, ce qui, la partie qui est sous l'eau. Et donc, tous les 10 ans, il faut le refaire pour entretenir, pour pas que ça s'abîme. Ouais, ouais. Et du coup, ils sont obligés de le sortir, parce que la peinture sous l'eau, ça va pas marcher. Ça fait un peu de l'aquarelle, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace sur la coque du bateau. Le mec qui va inventer ça, il serait bien. Hein. Ouais. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il bouge pas le bateau, donc à mon avis, ouais, il doit se... Il fait un petit tour, tous les 2 ans. Il bouge le gros, là? Oui, à l'occasion du Festival de Loire. Ah, je sais même pas qu'il bouge le gros machin. Il bouge tous les 2 ans. Ouais. Et l'explosible, il bouge aussi, lui? Ouais. Il a failli pas être un submersible, par contre, mais il bouge aussi, si, d'ailleurs, je crois qu'il a fait un petit tour, en début de semaine. Ah, d'accord, bon, bah. Ils l'ont bougé un petit peu, je crois. 3 mètres. Non, mais ça, c'est, voilà, après, c'est des grosses machines quand même, donc je pense que c'est pas évident de faire tourner tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est, en ce moment, vous pouvez, même en tout cas, par curiosité, aller faire petit tour du côté du quai du Châtelet, et c'est assez impressionnant de voir, ce gros bateau qui est sorti de l'eau, c'est plutôt sympa. Sympatoche, merci à Didier pour ces belles photos, alors. Ouais. On ira le voir. Ouais. Bah, il vient souvent la radio Didier en plus, hein. C'est pour ça, voilà. Et puis, je sais qu'il a fait son bouquin et tout, mais au niveau photo, franchement, le reportage là, il est super bien fait. Ouais, c'est un bon photographe en plus. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Et j'essaye de ripper le petit chat que j'ai dans la gorge. Excusez-moi. C'est un chat ou une chatte? C'est un chat, je pense. Ah, ce qui m'énerve. Ok, bon, bah écoute, hein, on fait avec, hein, malheureusement. Allez, qu'est-ce qui s'est passé, tiens, 21 janvier, ça t'intéresse? 21 janvier, c'est... Bah non, je... Ouais, dis-moi, quelle année? C'est notre jour, en 1793. Oula, bah... Ouais. Bah c'est l'exécution de Louis XVI. Louis XVI. Voilà, il s'est fait couper la tête, le brave roi. Pas de bol, lui, hein. Et puis, tiens, pour rester dans la fleur de lys, le 21 janvier, mes coup-ci en 1948, c'est le drapeau pour le Québec, en fait. Ils ont justement désigné ce drapeau fleur de lys. Et voilà, c'est ce signe distinctif. Tu le vois, le drapeau du Québec, il est bleu avec la fleur de lys blanche. La fleur, la blanche, là, ouais. Ou blanc avec la fleur de lys bleue, peut-être. Ouais, je sais plus, mais ouais, et voilà, donc c'est voilà, le même jour, et ça concerne les fleurs de lys. Voilà, c'était juste un petit truc, voilà, si ça vous intéresse. Bah, ou ouais, pas, c'est pas grave. Ça m'intéresse le matin comme on ça. On aime bien. Et puis de la musique aussi, pour vous emmener jusqu'à la porte du bureau, parce qu'il y en a qui vont arriver au boulot, là, à 8h25. Ouais, peut-être bien, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Avec du son à l'ancienne, comme ça, qui va vous rappeler de très bons souvenirs. Et le groupe De La Soul. Excellent. Et All Good. Hein? On se rappelle de ça. Ouais. Allez, bonne journée, bon réveil. Things ain't going like they should. It's all on you. weigh the situation how you want. Right. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that I ain't hungry. That's true. Things ain't going like built this large pizza pie together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea Theory. I was Moses, hopelessly scorned by your thorns, Zipporah. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see us cope with that. I had to bolt from that and left you dead in the sea. It's better for me, I'm satisfied with repping for D. We were certified hot, then dropped the lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now. Them girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah. Yeah, I get that ass a number and some lumber to pound and catch a curve from my kid. Don't show me love if I pray. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't beef, but be sure to understand between us. It ain't no good. That's true. Things ain't going like we done cop. Instead of fiending for the moment, they can get us off the block. What your people might have the back, but you need to watch the front. Indeed, they're nothing guaranteed. My size 10s. Alright then, here's a pair. Lace them up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff. Like dear heads upon the wall, so all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze. I don't care about what you think you say. Ah, ça fait du bien le matin, les sons à l'ancienne comme ça, hein. Ah ouais. Ça change un peu de tout ce qu'on écoute sur les radios, hein. Bah, c'est dansant, enfin, c'est, ouais, voilà, ça fait quoi, plaisir. C'est, hein, c'est ultra dansant, moi j'adore. Ouais, j'adore cette musique là. Tac, tac, tac. Le funky, le R&B. Ah ouais. Voilà. La météo pour aujourd'hui, bah, le ciel, ça va être un mélange de nuages et de soleil. C'est ce que dit Météo France à 8 jours. Non, il y a un anticyclone, donc reste un petit peu, voilà, mais c'est un peu ambigu. On t'écoute, Evelyne. Par contre, c'est vrai qu'en une demi-heure de temps, on est passé de moins 2 à plus 2. Moi, le temps que j'arrive tout à l'heure entre 7h. C'est le chauffage, dans la bagnole, non? Entre 7h et 7h30, j'ai gratté la voiture et après. On était passé en positif quand je suis arrivé ici. Pas le test, hein, positif. Oh, la température. Je commence à avoir peur dès qu'on parle de positif, ça y est, moi. J'ai un peu de porte à clé ici. Pourtant, c'est tellement bon d'avoir de la positivité en soi, hein. Ça, voilà. On nous a tout démoli au niveau vocabulaire. C'est horrible. Ah ouais, positif, ça veut pas dire Covid, hein. Non, voilà. Positif, ça veut dire bonnes ondes et voilà. Avoir un esprit, être positif dans sa tête. Donc du soleil aujourd'hui normalement avec quelques nuages. Le planning. Et puis c'est comme ça pour tout le week-end. À dimanche ça caille franchement apparemment. Ouais, ça caille. Il fait pas très beau dimanche. Mais pas très beau et franchement un peu plus frais. Ouais. Aujourd'hui et demain normalement ça devrait être pas mal, hein. Ça va, ça se maintient. Bon, il fait pas chaud, c'est normal. Hein. C'est l'hiver. On est au mois de janvier en même temps. En même temps, c'est pas le mois d'août, hein. C'est ça. Voilà, donc côté vent, ça va, c'est calme. Oui, t'en es là quand même. Ouais, 11 km heure. Oui, ben y a pas beaucoup de vent et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une au niveau atmosphère. Je dépasse en vélo, moi, le vent. Hein. Et on n'est pas hyper bien classé dans l'aglo là-haut en termes d'atmosphère dans le Loiret, c'est pas top en ce moment. D'accord. Et l'humidité 90%. Voilà, si vous voulez tout savoir. Bah non, mais je suis en train de lire le truc de Météo France, moi. Bah oui, je vois bien, J'ai un écran sous les yeux, qui est pas encore cassé, ça va. Donc, je suis en train de lire Météo France. Voilà, pour la météo, ce matin. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, hein, 0238 43 48 00. Des belles choses avec toi, Stéphanie, encore ce matin. Pour rester toujours dans la journée du câlin. Ah ouais, bah c'est vrai, c'est notre journée, ça. Hein, la journée du câlin, le 21 janvier, voilà, c'est la journée exprès pour les câlins. Et bah, pour ceux qui sont tout seuls, vous pouvez tout à fait aller rechercher. Pour ceux qui sont tout seuls, vous pouvez aller rechercher. Il y a des petits tutos, pour l'auto-câlin, en fait. C'est-à-dire que tu fais peur là, attention. Non mais tu sais, il y a des enfants hein, qui écoutent. Hein. Mais tu sais qu'on peut aussi se faire de l'automassage, c'est-à-dire que mais non, mais les gens qui sont seuls, mais arrête de rigoler bêtement. Bah non, je te parle pas de masturbation, ah, hein, oui, on est d'accord. Donc voilà. Pas du tout à ça, moi. Oui oui, bah ça avait l'air. Donc le bon petit déj, hein. Le fait de s'automasser et de s'auto-câliner, eh bien il y a quand même des vertus. Après, je vous dis pas que c'est plus sympa de partager, évidemment. Mais ceci dit, c'est quand même très efficace. Voilà, je veux dire, il y a plein de petits tutos qui existent pour ça et qui peuvent vous accompagner si vraiment vous êtes tout seul à la maison voilà. Et voilà. J'ai dit une connerie, mais non, tu vas pas la dire. Allez, non, je vais pas le dire. Trop d'écoute là, ça va partir en live sinon. Non, ça suffit des bêtises. Non, mais on peut faire des petits massages, voilà, tranquille. Mais c'est très, bien sûr. Ouais. Moi j'aime bien masser les tempes là, tu sais. Les tempes, la tête, le visage. Ouais. Ça détend énormément. Le nez. Bah, pour les filles en plus c'est anti-ride, alors je vous le conseille carrément quoi. Plus de rides demain. Et le nez aussi, j'aime bien masser le nez là. Tac, je mets les doigts dans le nez, ça va être croûte de nez au fond là, et hop, un petit massage des narines. Ça marche aussi avec les cotons-tiges. On se met des cotons-tiges. Mais ça c'est le test. Oh là, arrête. Eh, ça fait mal le PCR. T'as déjà fait un PCR là ? Ouais. Oh la vache, ça te retourne les yeux. Bah non, moi ça a été, j'ai eu du bol. Ah, j'ai l'impression que le coton-tige est dans les yeux, quoi. Bah, c'est quelqu'un qui t'en voulait. C'était pas, voilà, parce que. Et imagine, t'arrives au test, c'est ton ex ou ton féminin ou masculin qui est là. Et il te l'enfonce jusque dans le cerveau. Non, il y a peu de chance. Ah, là, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Soit positive. Allez, un peu de soleil. Non, je vais rester négatif pour l'instant, ça me va très bien. La positive attitude. Un peu de soleil. L'île de la Réunion, tu connais, l'île de la Réunion? Oui. Voilà, il fait beau en ce moment là-haut. Hein. Bah, il y a surtout le volcan qui est encore en train de. Encore. Bah oui. Oh, c'est régulier. C'est tout le temps, ça. C'est tout le temps. Le piton de la Fournaise. Voilà, le piton. Eh ben, nous, on s'écoute à la Ramanisium. Willy William et DJ Assad. C'est le Sega de la Réunion avec Alalila. Ça te va? Très bien. Allez, tout le monde danse. Te sens-tu-toi dans la gaieté? C'est qu'à peine d'or qui fait t'implorer. Quand elle y fait oublier tout sa grain. Allô, bouge les reins. C'est gars là pour faire ta passe de la fin. Mette la foi dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de topé. Ici, c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux c'est pour nous amuser. Mettre la foi dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de tomber. Ici c'est grâce à nous d'enfants frais. De Paris à l'île aux attention. c'est le Sega, c'est la danse de là-haut, je crois, le Sega. Oui, exactement, c'est la musique traditionnelle de l'île de la Réunion. Eh ben voilà. Tout à fait. Et ben bah, danser le Sega ce matin dans la bagnole sur la tangentielle, ça va vous faire du bien. Il y a le Sega et il y a le Maloya. Et il y a aussi la console Sega à l'époque on jouait, tu te rappelles de différent. Ça différent. Le Maloya, c'est ça? Et oui, le Maloya. C'est pareil, c'est une danse. Ça va avec le Sega, ben c'est, voilà. C'est de la musique traditionnelle réunionnaise. Sega Maloya et après voilà, après c'est la bataille. Après, ça c'est sans coucaille, t'as tout mélangé là encore. Ce matin, 8h37, en pleine forme et de bonne humeur, comme tous les vendredis matins, Stéphanie Bié qui est avec nous, avec des belles choses. Aujourd'hui, c'est le câlin, c'est la journée mondiale. C'est la journée internationale. Mondiale, internationale. Ouais. Internationale du câlin qui existe depuis 1986. Et voilà, c'est un vrai truc officiel qui vient juste après, en fait, le Blues Monday qu'on a connu évidemment lundi. Ouais, on fait la gueule. Le troisième lundi, normalement, du mois de janvier, c'est vraiment le jour le plus déprimant. Oh là là, ouais. Juste après les fêtes, on s'est réunis, on a vu du monde, et après le on COVID, se retrouve, après on reprend. Non, le Covid, le Blues Monday, c'est toute la semaine, en fait. Ouais, c'est tout le temps. Mais donc, voilà, cette journée, elle est là pour nous remettre un petit coup de boost et voilà. Se faire du bien à travers le câlin qui, je vous le rappelle, est bénéfique pour votre santé mental et physique. Voilà, ça intervient sur les deux parce que quand on se fait des câlins, on fabrique plein de belles hormones qui font du bien à notre petit corps. Oh là là là, c'est beau ce que tu dis. Hein. Faites des câlins ce matin. Hop. Et puis si vous voulez vous faire du bien, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la passerelle ce soir. Ah ouais, allez, la passerelle, c'est la salle de Fleury-les-Aubrais. Exactement, avec un groupe qui a l'air plutôt sympa, c'est l'ensemble des apostrophes si belles. Je prends un bouquin aussi, moi. Et le spectacle, c'est Oum c'est Papa. Page, c'est Oum Papa et la page c'est 31, mon ami. Excusez-nous, on est en direct. Et hein, c'est Oum Papa. Ah ouais, Oum Papa, ouais, je l'ai, ouais. Donc, franchement, ça a l'air d'être vraiment, vraiment sympathique. Il s'est défini, comme un pur régal où s'enchaînent gags et prouesses techniques de quatre musiciennes talentueuses. Pas mal, pas. Donc, pour planter le décor, ça se passe à la Belle Époque à Paris. L'accordéon est le roi pour faire danser les bals de Montmartre. Et puis, voilà, on nous vend, en tout cas, on nous promet une folie pure, délicieuse, friandise, musicale. Je trouve la définition très sympa. Ouais. Et franchement, ça nous donne bien envie. Et ça se passe donc du côté de la passerelle, ce soir, à 20h30. Et la salle, c'est Jean Cocteau. Eh ben voilà. Eh ben, c'était quoi, Stéphanie? Bouge pas le jingle, c'était... Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. T'as vu ça? Et on est équipé à la radio. Hein. Mais le jingle juste avant plutôt que... Ouais, ça marche aussi juste après, ceci dit. Voilà, c'est pour vous rappeler que ce soir, donc vous allez retrouver l'ensemble Décibels avec leur spectacle Oum Papa. Oum Papa. Voilà, et qui est voilà un pur régal. Je peux vous parler juste des artistes. C'est Sophie Aupier-Valin, Anna Meynier, Anna Meynier Mortin, Fanny Laignelot et Maëva Laignelot, et la mise en scène est de Philippe Lafeuille, donc à retrouver ce soir à 20h30 à la salle Jean Cocteau. Le spectacle dure 1h15. À partir de 6 ans, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, un joli petit spectacle à aller voir en famille et puis profiter d'un joli moment avec de la belle musique, de la joyeuseté, et vous allez pas vous ennuyer. Et voilà, monseigneur, de la joyeuseté. De la joyeuseté. Ça se dit, ça? Exactement, mon ami. Tu sais qu'il y a, mais tu peux vérifier, il y a d'ailleurs une toile de Paul Gauguin qui s'appelle Les Joyeusetés. Figure-toi. Ah, ouais, t'es trop cultivé, toi. Trop cultivé par rapport à moi. On n'a pas le même niveau. Non, mais j'aime bien l'art en général. J'aime trop de choses, moi. C'est ça le problème. Des belles choses avec toi, Stéphanie Bié, avant 9h. Ouais, on a tellement de choses. Juste avant, je voulais faire un petit clin d'œil à un groupe que j'aime bien. Nordez. Ouais. T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Eh bien, le vent nous portera. Voici Nordésir sur la pensée à 8h41 minutes. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère. est morte, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières. Ça rappelle des bons souvenirs, hein. Ouais. Hein, c'était sympa, ça, comme à l'époque, hein. Toujours sympa, d'ailleurs. On passe un petit clin d'œil ce matin sur Radar Arc-en-Ciel, 8h44 minutes avec Stéphanie Bié. T'as un clin d'œil à qui? Bah, au groupe, je voulais en faire un clin d'œil. Ah oui, d'accord, ouais, j'étais plus là, j'ai vous déconnecté. Non, je vais faire un clin d'œil au groupe. D'accord, d'accord. On l'entend pas beaucoup sur les radios. J'ai vu que bientôt vous allez avoir un petit serpent à la maison. Non, non, c'est Katia qui est dans l'euphorie, là. Non, moi j'adore. Ah ouais, les serpents? Ah, j'ai horreur de ça, moi. Moi j'ai pas peur, non, j'aime bien. J'ai toujours peur qu'ils nous bouffent. Non, ils bouffent les souris, ils bouffent pas les gars comme toi, quoi. Ah, ouais, ouais, il peut pas me bouffer, moi. Bah non, il peut pas. C'est trop de bateaux. Ça fait super, les serpents. T'aimes bien, toi, les serpents, sérieux? Ouais, j'ai pas peur. Il faut des autorisations, je crois, pour ça, non? Oui. Ouais, ouais, on peut pas avoir un serpent comme ça. Comme pour tous les animaux sauvages, il faut un permis de détention. Un permis d'arme, quoi. Exactement. D'accord, bah, tu vois, c'est bon à savoir. Ça fait flipper, moi. Moi, j'aime pas. Franchement, non. Bah, l'interactivité, elle est un peu spéciale, mais... T'as déjà eu un serpent, quoi? Oui, ouais. J'ai déjà... Bah, pas chez moi, mais j'ai déjà été dans un spectacle où il y avait un énorme boa, d'ailleurs, qui était albinos. C'était très impressionnant. Et ouais. Que j'ai porté sur moi, que j'ai pris sur mes épaules, etc. Et j'ai pas eu peur, ça m'a pas dérangé plus que ça. Le contact ne me dérange pas. Après, l'interactivité que tu peux avoir avec un serpent, j'ai du mal à saisir, quoi. Je préfère de loin avoir un chat, un chien. Chat. Oui, aussi. Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est la journée internationale du câlin. Voilà, donc, exactement. Bah, le problème, c'est qu'avec le Covid, le câlin, c'est pas facile. Hein. Oui, ouais. Mais enfin, ça n'empêche pas, on a toujours une vie de famille, on a quand même toujours une vie amicale. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est, voilà. Ça marche toujours, en fait. Ça marche, dans les deux sens. Juste évite de faire des câlins aux inconnus, mais déjà, même hors Covid, c'est pas un truc qu'on fait trop, se jeter dans la rue comme ça, sur les gens qu'on connaît pas. Mais tente la pancarte câlin gratuit, tu verras. Ouais, ouais. Peut-être que t'auras du succès comme ça, on sait jamais. Hein. Mais bon, avec tout ce qui se passe, j'ai peur que les gens soient un peu réticents quand même. Ça se peut. Après, je peux vous conseiller une petite lecture. Si vous voulez, il y a un livre qui s'appelle Gros câlin, qui est pas très récent, et c'est Romain Gary qui avait publié ce roman, et qui parle d'ailleurs d'un serpent, c'est amusant. Mais en tout cas, voilà, Gros câlin, de Romain Gary, et puis une petite citation de Romain Gary, qui m'a beaucoup plu, qui dit, la tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres. La tendresse a des secondes. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc c'est que voilà, c'est des moments qui sont ralentis. Les moments de câlin sont des moments ralentis en fait, et voilà, dont il faut profiter et ne pas se priver. D'ailleurs, c'est beau ce que tu dis ce matin. Ouais, j'ai un petit peu bossé, t'as vu. Plein de belles choses. Ouais, c'est bien. Il faut bosser. Cock Robin qui arrive avec le meilleur des souvenirs. Parce que nous, j'aime bien les souvenirs le matin. Ça fait. Oui, mais moi j'aime bien aussi. Ah, j'aime bien les deux. On est un peu des vieux machins, mais ouais, c'est mais pas grave. Fout, non, mais exactement. On radio, assume. C'est pas ça, c'est qu'en radio on écoute toujours les mêmes titres. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, j'en ai ras le bol, moi. Donc, je me ferais bien un petit Jamiroquai aussi. Ouais, tiens, bah, je vais en chercher un. Un petit Jamie. Ouais. Tiens, il y a Goldorak qui arrive. Cock Robin. Way we look, surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clear. You worry too much if it's understood. Should we be seen as friends? Seems like a real good beginning, right? When your heart is weak, hunt you down again. I'm mighty patient when I have to be. You have given me that. C'est un groupe qui a été fondé en 82 à San Francisco. Ah oui, je sais tout, hein, avec le chanteur Peter Kingsbury et la chanteuse Anna Lacasio. Ils sont séparés maintenant. Ils ont essayé de se reformer, c'était en 2006, mais bon, ça n'a pas trop fonctionné. La mayonnaise a pas pris, c'est comme Non, des fois, le retour, c'est pas bon, les comebacks. Hein, c'est trop dur. Ouais. Comme Stone et Chardin. Voilà. Ou... Carlos et Santana. bien sûr. Très. La bande et Basile, des trucs comme ça, quoi. Hein. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. M. Laurenceau qui est arrivé dans les studios, il est prêt, il est là, avec son masque et tout. Ça sent bon quand il arrive. Je sens plus mes huiles essentielles, je sens que le parfum. Ah, il sent bon, hein. Ouais, direct. La cocotte, hein, le matin. Ah, il est fin prêt, là, il n'y a pas de problème. Ça se trouve, c'est pour emballer des gonzesses. Il y a peut-être des gonzesses qui viennent à la radio. Bah, hein. Non, mais c'est agréable de sentir bon. Ah, j'aime bien, moi, les gens qui sentent bon le matin comme ça. Ouais, hein. Ah, c'est adorable. Il y avait un mec dans une radio où je bossais à l'époque. Il daubait le matin. Il arrivait, il puait là. Quand on travaille dans les bureaux aussi, parfois, c'est compliqué. Ah, mon Dieu. Finalement, on n'est pas plus mal en télétravail. Voilà, c'est bien. Au moins, quand on pète. On s'évite les odeurs corporelles de ses collègues. Ah, on est bien. Il est bien, monsieur Laurence, on l'aime bien. 8h52 minutes. Pour terminer avec toi, si tu veux, Stéphanie, avant de s'écouter un petit Jamiroquai, Cosmic Girls. Et j'ai entendu vite fait ce matin que Jamiroquai, il allait ressortir en fait. Non, il est pas mort. C'est son claviériste qui est décédé il y a quelques années déjà. Désolé. Tu vois, t'aimes bien toi quand il y a des morts. J'aime bien. C'est pas drôle, mais bon. C'est le claviériste du groupe Jamiroquai. Oui, ouais. il est décédé. Parce que Jamiroquai, c'est pas le gars, c'est JK. Ouais. Ça parle. Très parle fort. Ah, quand il parle, il crie. C'est... Ouais. Du coup, Jamiroquai, ouais. Du coup, Jamiroquai, donc là, il remasterise son premier album, je crois, qu'il va ressortir avec des versions retravaillées des morceaux qui ont très bien marché. C'est un album qui a très bien fonctionné. Et voilà, juste pour le petit clin d'œil. Et du coup, petit Jamiroquai, ça me dit bien. Cosmic Girl. Et on se pose un petit Jamiroquai avant de se dire adieu. Comment se dire adieu? Avec des câlins. Jamiroquai. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu un Jamie, hein, avec Cosmic Girl, et on adore sur la radio. Belle journée, bon réveil. Saturday in 1999, right across 6 minutes, bientôt 9h avant l'arrivée de Monsieur Laurenceau, Cosmic Girls et Jamiroquai. On aime bien, j'aime bien les bagnoles là-dedans. Ah, là. J'adore la course-poursuite là. C'est, Ferrari, Lamborghini là. Hein. Puis ouais. Ça met bien la pêche, franchement. Ouais. Dès le matin, la pêche, elle est là. La pêche. Monsieur Laurenceau, bonjour. Bonjour. Bonjour. Tout bonjour, ça va, Francky? Bon, ça va et toi? Ça va, bon. Tu fais pas la gueule ce matin, non, c'est bon? Non? Je t'entends pas là. Mais tu m'entends? Ah, parce qu'il faut que tu montes le casque peut-être. Ah. Voilà, ça va mieux là. Ça va mieux, oui. Il est moins habitué d'être de ce côté-là, du ouais, coup. Mais c'est vrai, quand on est de l'autre côté, on n'est pas habitué au micro, faut monter le casque. Comment il va bien, alors, ce matin? Ça va bien, oui. Bah, ouais. Parce que mon vendredi, c'est la fin de semaine. Ah, la fin de semaine. T'arrives la fin de semaine, toi. Voilà, c'est... Tout le monde est bien la fin de semaine, peut se reposer un petit peu et tout. Ah ouais, bah nous on va se reposer. On peut faire des câlins. Et des câlins, tu fais. Bah, c'est la journée des câlins. Il faut faire attention avec les câlins. Ah, non, c'est très bien. C'est le jour où il faut fabriquer de la dopamine, de l'acétocine. C'est pas. Oui, mais là il faut qu'on passe tout le virus qu'il y a et tout ça. Mais bon, les gens avec qui on vit et qu'on côtoie au quotidien, ils sont toujours là et si on les aime, on a le droit de leur faire des câlins. Je vais essayer de donner tout à l'heure. Ah, il y a mal du câlin. Quand même, c'est bon pour la santé. Bah, oui, c'est bon pour la santé, c'est vrai. Très bon pour la santé, renforcer le système immunitaire. Alors, on va pas s'en priver quand même. Ça nous change des idées et tout ça. Il y a Manu qui est arrivé, tu peux lui faire un câlin si tu veux. Je le fais déjà, je donnais bonjour, ça va. Et ben voilà, tout au bout. Je parlais en pause. Bon, alors, une émission qui arrive, c'est au Portugal. Que du portugais. Oui, c'est que du portugais. Voilà. C'est que de musique portugaise. C'est ma mission que j'ai fait. Et j'ai fait le mardi aussi. Tu nous as préparé des bonnes musiques là, c'est bon? Oui, ça va bouger. J'ai toujours de bonnes musiques. Et ben voilà. Les gens, ils sont contents. Ah oui, toi aussi. Ah bah nous, on voit du lourd. Hein. C'était bien. Tu fais une belle émission aussi. Je l'écoute tous les matins. On a eu Bourville ce matin quand même. Je crois qu'on est le seul. La tendresse, oh, j'adore. Voilà. Et en plus, le Bourville, c'est le petit clin d'œil pour notre ami Michel qui nous a quittés il y a quelques mois. Oui, ça va faire un an, 23 de février. Là. Bah ouais, quelques mois, ça fait 11 mois. Ça fait 11, 12, presque. Ouais, moi, je parle en moins. Là, ça fait 11 ans que je perds une fille aussi. Ah bah, mes condoléances alors, voilà. Et ça a été son anniversaire aujourd'hui. Bah, bon anniversaire alors. Ouais. Voilà. Anniversaire céleste. C'est ça. Merci, Lamia. Merci. À tout de suite, monsieur Laurenceau. Ok, merci. Allez, Stéphanie, la semaine prochaine. Si t'es là, je suis là, normalement. Ah bah, si on est là, on est là. Hein, voilà. Bonne journée à vous, monsieur Laurenceau, qui arrive dans 4 minutes en direct. Bon week-end, Stéphanie. Bon week-end. Ciao. À vendredi. Salut. Tchuss. Salut. Guten Tag.